Depuis le début de l'épidémie, la Covid est partout. Allumez votre poste de radio, votre télé, à la une de vos journaux, sur les réseaux sociaux. Tout le monde ne parle plus que de ça, à tel point que l'épidémie occupe jusqu'à 80% du temps d'antenne sur les chaînes d'infos en continu. À situation inédite, traitement inédit, mais comment évaluer ce traitement? Les médias ont-ils rendu compte correctement de la crise sanitaire en cours? Le temps scientifique et le temps médiatique peuvent-ils se superposer? Comment se saisir du jour au lendemain d'enjeux scientifiques complexes lorsque la place de la science dans les grands médias avait jusqu'alors plutôt tendance à être reléguée au second plan? Ici comme ailleurs, y aura-t-il un avant et un après Covid dans le traitement de l'actualité scientifique? Covid, la fièvre médiatique, c'est le programme informatif, qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique en direct. Et pour évoquer donc ce traitement médiatique de l'épidémie, ses succès, mais peut-être aussi certains des écueils qui ont été rencontrés, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui trois invités. À distance, Anne Goffard, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin virologue au CHU de Lille, enseignante à la faculté de pharmacie de Lille. Nicolas Hervé, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur en informatique à l'INA, coordinateur de la plateforme de recherche OT Média, qui réalise des études transdisciplinaires sur le monde des médias et la propagation de l'information en ligne, également co-auteur de l'information à tout prix avec Julia Cagé et Marilus Vio, c'est aux éditions INA. Et ici avec moi en studio, mais à bonne distance également, notre camarade Olivier Aymon, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Rédacteur en chef chez France Info, vous avez traversé quelques étages pour venir nous rejoindre, vous êtes en charge de la tranche d'information 10-14 en ce moment. Alors pour commencer, bien l'une des caractéristiques de cette période si particulière, ça aura été la très importante circulation de fausses informations, au point tel que l'Organisation Mondiale de la Santé alertait dès le 2 février sur un risque d'infodémie et que l'Union Européenne mettait en ligne le 31 mars ce message de vigilance avec les mots de la présidente de la Commission elle-même, Ursula von der Leyen. Est-ce que l'ail ou la vitamine C soigne le coronavirus? Non. Est-ce que le virus n'affecte que les personnes âgées? Non. Pourtant, nous avons tous vu ce genre de fausses affirmations en ligne ou dans les médias sociaux. Un nombre croissant de fake news ou fausses informations circule au sujet de la pandémie de coronavirus, en particulier sur Internet. Ce qui m'inquiète, c'est que certaines de ces informations peuvent vraiment faire du mal. Comme par exemple celle selon laquelle boire de l'eau de Javel permettrait de guérir du virus. Boire de l'eau de Javel peut être mortel. Ce qui m'inquiète également, c'est que ceux qui répandent ces fausses informations exploitent la peur qu'inspire le virus pour se faire de l'argent, en vendant par exemple du savon particulièrement cher sous prétexte qu'il tue les germes de coronavirus. Cela doit cesser. Nous travaillons avec les plateformes en ligne et nous les encourageons à renforcer leurs efforts de lutte contre la désinformation sur le coronavirus. Faites confiance aux médias fiables et réputés qui ont fait leurs preuves en ce qui concerne l'exactitude des informations. Ceux qui répandent de fausses informations peuvent vous faire du mal. La désinformation peut tuer. Mais ensemble, nous pouvons rétablir la vérité. C'est une situation assez inédite, Olivier Aymon, que des institutions transnationales, l'Union européenne, que des États aussi, soient là pour discriminer le bon journalisme, la bonne information de la mauvaise information. Ah oui, moi je trouve ça même assez, je sais pas quel mot il faut employer, mais un peu gênant aux entournures. On a vécu ça aussi, il me semble, récemment avec un gouvernement plus proche de nous qui a essayé de mettre ça en place. Ce contre quoi un certain nombre de sociétés de rédaction, de journalistes se sont d'ailleurs élevés, même dans cette maison. Je crois pas que ça soit leur boulot, de fait, de faire le tri. Et en plus, je pense que c'est c'est presque un peu vain. Il y aura toujours un moyen. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, les réseaux sociaux. Enfin, quelle maîtrise on peut avoir de demander à des grands acteurs comme des grandes boîtes américaines dont on va pas forcément citer le nom, mais qui sont les grands acteurs de ces réseaux, de dire nous, même au niveau européen, on voudrait que vous fassiez plus attention. Enfin, on voit tous les jours des choses qui passent sur les réseaux. Ça change pas beaucoup. On peut mettre en place des cadres, évidemment. Mais je crois pas que ça soit eux. Non. Et en plus, j'entendais Ursula von der Leyen la dire. Presque dire il y a des questions bêtes quoi qui sont posées. Je crois pas qu'il y ait de questions bêtes en fait. Je pense que tout un chacun a le droit de se poser la question parce que on découvre quelque chose. Ce virus, personne n'en a jamais entendu parler avant. Globalement, on se pose pas des questions tous les matins en se levant sur c'est quoi un virus, comment ça va fonctionner, comment je vais être affecté. Donc je comprends qu'il y a des questions un peu basique, voilà, mais on est là pour y répondre en fait. Je pense que ce qui est important dans ce que dit la présidente de la commission, je pense que c'est faites confiance aux grands médias. On n'a pas la science infuse, mais globalement, appuyez-vous sur des gens sur qui vous pensez que vous pouvez avoir confiance. Multipliez les sources si vous voulez, mais il y a quand même un certain nombre de grands médias et je pense que globalement, Radio France, c'est plutôt, s'en est plutôt bien sorti. Voilà, ça veut pas dire qu'on dit pas de bêtises non plus, mais on essaie d'être transparent et sincère dans ce qu'on raconte. Donc, on peut poser des questions. Est-ce que si, alors pas l'eau de Javel évidemment, parce que ça, bon, on voit bien que c'est. Mais on est dans autre chose là, dans l'eau de Javel. On est sur Trump. Et alors là, on peut partir sur autre chose. Mais est-ce que je dois me laver les mains? Est-ce que le vinaigre, ça peut enlever le virus? Je crois pas que ça soit une question bête. Et je pense qu'on est là. Nous, c'est notre boulot de journaliste pour y répondre. Nicolas Hervé, c'est tout de même, comme je le disais, une situation assez particulière de recevoir, entre guillemets, des leçons de journalisme de la part d'État, de gouvernement ou d'institution. Alors, pour reprendre ce que disait Mme von der Leyen, je pense qu'il y a quand même une distinction claire à faire entre l'alerte qu'elle émettait par rapport à ce qui circule sur les réseaux sociaux et les médias d'autre part. Je pense que même si effectivement les médias peuvent se tromper, voire même parfois malencontreusement propager quelques fausses nouvelles, c'est quand même de manière générale, majoritairement sur les réseaux sociaux, que les fausses nouvelles circulent. Typiquement sur la santé, et ça c'est quelque chose qui est identifié, qui est connu depuis bien avant la question du coronavirus, on sait que les thématiques de santé sont extrêmement propices à la circulation des fausses nouvelles, parce qu'effectivement les mécanismes sont connus, ça joue sur la peur, et parce que elles sont peut-être un petit peu moins au centre de l'attention, pour le coup, des médias traditionnels en période hors coronavirus, où tout ce qui va être fausses nouvelles autour des politiques vont être plus facilement décortiquées, analysées et vérifiées. Alors que sur les questions de santé, on sait qu'il y a un gros marché parce que il y a des enjeux d'argent non négligeables et que effectivement il y a beaucoup à faire sur le sujet. Donc alors effectivement en période de pandémie, je pense que tous les ingrédients sont là pour assister à ce qu'on assiste et à la propagation des fausses nouvelles autour du coronavirus. Anne Goffard, c'est ce type d'indication, que ce soit de la part de l'État français ou de la Commission européenne, en tant que virologue, vous pensez que ça va plutôt dans le bon sens, que ça fait du bien justement pour séparer le bon grain de livret entre guillemets? Mais la difficulté, donc, je ne sais pas si c'est au pouvoir politique de dire. Enfin, je pense que c'est au pouvoir politique d'émettre des alertes éventuellement, mais voilà, l'intervenant journaliste dont j'ai pas retenu le nom, Olivier, je m'excuse, mais je suis pas convaincue que ce soit aux politiques de nous dire quels médias on doit suivre ou pas suivre et quel média est fiable ou pas. La difficulté, c'est que effectivement, on a été beaucoup, en tant qu'expert, on a été beaucoup sollicité pour répondre aux questions dans les médias, etc. Et notamment pour démonter les fausses nouvelles, les fake news, comme on dit. Moi, une question que je me pose, c'est est-ce que finalement notre parole est entendue? Est-ce qu'elle permet de démonter ces fake news? Parce que malheureusement, moi, je suis intervenue pour répondre à un certain nombre de questions, et pour autant, les rumeurs persistent, les fausses nouvelles persistent, et donc je ne sais pas dans quelle mesure le fait d'interroger des experts permet systématiquement de démonter la fake news. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h10, nous parlons donc du traitement médiatique de l'épidémie de Covid-19 en compagnie d'Anne Goffard, Nicolas Hervé et Olivier Aymon. Peut-être pour remonter un peu le cours du temps, Olivier, à partir de quand le traitement a basculé ? C'est-à-dire à partir de quel moment, avant le confinement, d'un seul coup, ce traitement de l'information a commencé à envahir littéralement les antennes, et la vôtre en l'occurrence sur France Info ? On est peu avant le confinement et peu avant en fait la première intervention d'Emmanuel Macron le jeudi soir, on doit être le 12 ou le 13 mars pour dire qu'il va fermer les écoles. Le 12, c'est ça, ou le 12. Voilà. Évidemment, on a entendu parler du coronavirus avant, notamment avec tout ce qu'on a fait avec nos correspondants en Chine, puisque évidemment l'épidémie là-bas avait commencé avant ici. Donc on va dire tout le mois de février, c'est une actualité qu'on entend. Mais en se disant encore, et puis ensuite il y a l'arrivée dans l'Oise, etc. On voit bien que c'est quelque chose qui est en train de monter. Mais là où ça prend vraiment toute l'importance, moi je peux vous dire, enfin voilà, on était en extérieur, comme on dit, en spécial en extérieur, donc pas dans les studios de France Info, puisqu'on suivait les municipales, et on était à l'autre bout de la France, et donc on est sur des émissions, les enjeux municipaux dans des villes, hein, on se déplace comme ça de jour après jour. Et puis on est le jeudi soir, et on apprend qu'Emmanuel Macron va prendre la parole, bon, et on regarde tout ça, comme tout le monde, et on était à 7. Dans le sud, et quand on voit ça, on se dit bah demain c'est plus l'enjeu les municipales, demain c'est la fermeture des écoles. Donc on transforme l'émission du lendemain sur comment est-ce que dans une commune comme cette on transforme ça. Donc je crois que c'est vraiment à ce moment-là, et la semaine d'après on devait repartir toute la semaine sur des émissions municipales sur la mi-journée dont je m'occupe, et tout au long du week-end on se dit bon, on va peut-être faire lundi, on va peut-être faire mardi, puis finalement le dimanche on se dit bah non, on va rester là, et puis on va répondre à ça. Donc on est vraiment dans le timing, j'allais dire, du politique, parce que c'est vrai que c'est à ce moment-là qu'il y a un événement majeur, quoi. Cette décision de basculer dans un confinement, un truc qu'on n'a jamais vécu, c'est quand même une vraie détonation, quoi, dans l'actualité. Nicolas Hervé, parlez-nous un peu justement de vos travaux de veille du traitement médiatique et de la façon, hein, les chiffres que je citais tout à l'heure au tout début dans l'introduction, jusqu'à 80% des antennes des chaînes info consacrées à l'actualité de l'épidémie, c'est issu de vos travaux. C'est issu de vos travaux. Concrètement, ce sur quoi on travaille à l'INA, donc on a un service de recherche, on fonctionne comme un laboratoire de recherche universitaire, c'est de regarder grosso modo comment l'information se propage, se consomme sur les différents canaux. Donc ça, c'est le travail qu'on mène au quotidien pour expliquer, décrypter un peu les modes de fonctionnement de l'écosystème médiatique. Et avec l'arrivée du coronavirus, on commence à voir effectivement cette médiatisation qui prend de l'ampleur, et on se dit qu'il pourrait être pertinent de regarder, contrairement à ce qu'on fait d'habitude où on prend le temps d'analyser à froid ce qui a pu se passer, de se dire bah tiens, puisqu'on a ce phénomène qui est en train de se passer, on va peut-être pouvoir l'observer en temps réel. Et donc c'est quelque chose qu'on décide avec des journalistes qui sont à l'INA autour de la revue des médias, qui est une revue que l'INA édite autour du décryptage des médias, et on décide de ça début mars, de commencer à regarder tout ce qui se passe. Et concrètement, ce qu'on fait, c'est que on observe les différentes informations sur un canal. Donc là, en l'occurrence, c'est la télé, la radio, l'agence France Presse qui alimente majoritairement les médias en France en information, et Twitter. Et donc concrètement, la médiatisation du coronavirus, elle commence fin janvier. Vraiment, il y a un premier pic, il y a un premier démarrage fin janvier, et qui se tasse un peu. Et le vrai gros démarrage, c'est la deuxième quinzaine de février, la dernière semaine de février, et ça correspond grosso modo avec non pas donc fin janvier, c'est les premiers cas en France. Fin février, ce qui vraiment fait démarrer la médiatisation, c'est le premier mort français. On a eu un premier mort en France préalablement, mais qui se trouvait être un Chinois de retour de Chine, qui n'a pas provoqué un gros pic de médiatisation. C'est vraiment le premier mort français, et donc ça, c'est fin février. Et à partir de là, ça monte très vite. Et puisque début mars, on est autour de effectivement de 60-70%, et ensuite on est sur un plateau tout au long du confinement. On est sur un plateau de saturation de l'espace médiatique, en tout cas pour les chaînes d'info en continu. Et j'inclus la radio France Info dans ce panel. Et on commence à observer une modification depuis le déconfinement. Mmh. Anne Goffard, de votre côté, à partir de quel moment est-ce que vous commencez à être sollicitée? Par quel canal s'est passé en fait? Est-ce que vous êtes passé à travers le prisme d'une institution? Comment est-ce que vous êtes arrivé à amener à répondre aussi fréquemment aux sollicitations journalistiques qui vous étaient faites? Alors en fait, moi ma première sollicitation c'est aux alentours du 20 janvier, j'ai été sollicitée par la télé sur France 5 en l'occurrence, et ils m'avaient fait venir sur le plateau à l'époque puisqu'on pouvait encore se déplacer sans difficulté. Moi, comment ça s'est passé? En fait, depuis quelques années, je dirais 5-6 ans, je me suis inscrite sur le site internet Les Expertes, qui est un site qui est né, alors si je me souviens bien, à l'initiative à la fois de médias, mais aussi de chercheurs et de chercheuses, qui souhaitaient mettre en évidence la parole des femmes comme expertes dans tout un tas de domaines, à la fois scientifiques, mais aussi sciences humaines, enfin, dans tout un tas de domaines. Et donc, je m'étais inscrite sur ce site en tant que virologue, chercheur, médecin, spécialisé dans les coronavirus. Donc, c'est par cet intermédiaire-là que j'ai été sollicitée la première fois par l'équipe de France 5. Puis après par différents médias, toujours par cet intermédiaire-là. Mmh. Ensuite, l'autre intermédiaire, parce que j'ai commencé le 20 janvier, mais je vous dirais que depuis le 20 janvier, j'ai été sollicitée quasiment tous les jours, tout le temps, en permanence, avec des périodes plus fortes que d'autres. Et donc, je pense que je suis rentrée dans le carnet d'adresses des journalistes, et puis je suis affichée comme experte par le CNRS, qui est l'organisme, dont mon équipe de recherche est affiliée au CNRS, et puis je suis aussi sollicitée par les équipes de communication du CHU de Lille, qui peuvent aussi me demander de répondre à des équipes de journalistes. Mmh. Voilà, donc moi j'ai vraiment été sollicitée par différents biais. Mmh. Olivier, bon, justement, comment ça se passe à partir du moment où le rythme s'accélère, hein, comme vous le décriviez très bien avec Nicolas Hervé, d'un seul coup, toutes les rédactions sont en demande d'expertise scientifique, accessible, dans une temporalité qui n'est pas toujours celle des chercheurs. Comment vous avez eu, par quel biais vous êtes arrivé jusqu'aux chercheurs qui sont exprimés sur votre antenne? Oui, c'est vrai que c'est pas facile parce que c'est un domaine globalement, on va pas se le cacher, on fait pas beaucoup de science hein, sur les grands médias, on va dire généralistes, le reste de l'année, donc on n'a pas forcément ce qu'on appelle les ressources, voilà, c'est-à-dire un carnet d'adresses avec une liste de noms, une liste de numéros de téléphone, de numéros de portable, ça va plus vite pour les joindre. Donc ça demande un vrai travail. Alors, vous citiez, madame, le site Les Experts. Ça fait partie des bonnes ressources donc qu'on peut utiliser. Et puis après, on cherche, comme on le fait un peu à longueur d'année. France Info, comme beaucoup de chaînes d'information en continu, consomme énormément d'invités, d'experts, de spécialistes, mais aussi de gens lambda. Donc, on a un peu l'habitude de cette méthode de recherche, voilà. Mais après, on va chercher. Alors évidemment, on passe par les grands organismes aussi. On passe par le CNRS, on peut passer par l'INSERM, on peut passer, voilà. Donc simplement, quand on n'a pas la ressource directe, on va passer par le service de presse quand il y en a un. Et puis après, on essaie de voilà. Et au fur et à mesure, on trouve les canaux qui sont les plus efficaces pour solliciter les gens. Ce qui fait que parfois, au début, on a tendance à beaucoup solliciter les mêmes parce qu'on n'a pas forcément un carnet d'adresses très large. Et puis ça, c'est un peu la tambouille de tous les médias. Mais il y a des gens dont on sait qu'ils seront plus facilement joignables, plus disponibles, dont on sait qu'ils peuvent, parce que c'est pas toujours évident avoir une parole claire, qu'ils savent en science vulgariser, parce qu'on est un média généraliste et que on n'est pas dans une émission scientifique quand on est sur France Info. Donc voilà. Mais au début, oui, forcément, on s'appuie sur quelques personnes et puis les quelques-unes qu'on pouvait connaître. quand on parle de virus, généralement dans l'année, on parle au moins une fois ou deux de la grippe. Donc on a deux trois experts dont on peut solliciter la présence. Mais voilà, ça se fait petit à petit. Et c'est un gros morceau qui nous tombe dessus, hein, début mars. Vraiment. Vous avez le sentiment que vous avez trouvé un appui dans les grandes institutions scientifiques, justement, INSERM, CNRS, parce qu'il y a eu un relais qui s'est fait, peut-être pas immédiatement, mais en tout cas dans un second temps? Pas immédiatement. Pendant longtemps, je trouve que, mais c'est le rapport entre plus large entre les médias et la science, mais on ne s'est pas beaucoup parlé. Entre grands organismes, entre chercheurs, entre journalistes. Encore une fois, je parle pour des médias généralistes. Donc il n'y avait pas franchement d'automatisme, et de notre part, on ne prenait pas beaucoup de temps pour aller chercher des gens. Mais de l'autre côté, les grands organismes n'avaient pas une démarche très proactive pour nous dire, ben voilà, on peut, sur tel domaine, on a tel et tel et tel chercheur. Et moi, je trouve ça assez dommage parce que globalement, on a une recherche en France qui est assez dynamique, qui est très très très pluraliste, très très ouverte, avec des gens qui globalement connaissent leur métier et ont envie d'en parler. Mais c'est vrai, et je crois que le moment où ça a changé, c'est au moment des attentats en 2015, où je crois que c'est la première fois que le CNRS nous a envoyé par son service presse une liste d'experts en disant voilà, sur cette thématique du terrorisme, parce que tout le monde ne fait pas exactement la même chose, et on retrouve ça aujourd'hui avec le coronavirus, un épidémiologiste, c'est pas forcément un virologue, c'est pas forcément un médecin, etc., etc. Et je crois que c'est à ce moment-là qu'on a eu la première fois un listing de 10, 20 noms du CNRS nous disant, ben voilà, sur le terrorisme, vous avez un spécialiste du Proche-Orient, lui c'est plutôt ça. Il y en a un qui sera plus sur les mécanismes d'adhésion aux radicalités religieuses, etc., etc. Et donc c'est assez récent finalement. Donc c'est un moment, ce qu'on vit aujourd'hui vis-à-vis de ça et par rapport à notre travail, c'est un vrai changement en fait. Anne Goffard, ça s'est passé comment justement les premiers contacts avec les journalistes? Parce que je le disais dans l'introduction, temps médiatique et temps scientifique sont des temps qui se superposent pas toujours très très bien. Parfois on veut des réponses claires, des formulations courtes, on n'a pas forcément le temps de rentrer dans les détails et d'avoir toute la place qu'on aimerait pour bien justement vulgariser et aider à comprendre les questions qui sont posées autour du virus. Comment ça s'est passé pour vous? Alors justement, ça c'est un point effectivement qui a été très important pour moi dans ce qui s'est passé depuis le mois de janvier, c'est que effectivement je me suis rendu compte, je n'avais pas l'expérience, c'est vraiment la première fois que j'ai une telle exposition médiatique, ça ne m'était jamais arrivé jusque-là. En même temps, je suis spécialiste des coronavirus, donc il n'y avait pas de raison d'avoir d'être autant exposée avant. Je me suis retrouvée à être confrontée finalement à deux grands groupes de médias, je dirais des journalistes d'un côté qui me contactaient à l'avance pour préparer l'émission avec moi, pour me poser des questions, pour partager avec moi aussi des ressources, c'est-à-dire des articles, en disant bah voilà, j'ai lu tel article, je comprends pas très bien, est-ce qu'on pourrait en discuter ensemble, qu'est-ce que vous interprétez, etc. Donc une vraie préparation de fond avec des journalistes qui avaient lu un certain nombre de résultats scientifiques, d'articles de virologie ou lié à cette infection en général, et donc il y avait une vraie préparation, un vrai dialogue, une vraie collaboration, et du coup c'est très intéressant de faire ce genre de travail. Et puis à côté de ça, d'autres médias, d'autres journalistes, alors je suis désolée mais je vais le dire franchement, notamment des chaînes d'infos en continu, qui me disaient « Madame Goffard, est-ce que vous pouvez être demain à 8h30 sur le plateau ?» Alors je dis « Oui, a priori je peux, mais pour parler de quoi ?»« Pour parler du virus !» Ben oui, mais en tant que virologue, il y a des sujets sur lesquels j'ai pas légitimité à parler. Donc si vous me dites pas plus précisément pourquoi vous voulez que je vienne, je ne viens pas. Donc voilà, je me suis rendu compte que j'étais confrontée à deux types de journalistes différents, de façons de travailler différentes, et en fonction de ça, j'ai répondu ou pas aux sollicitations. Nicolas Hervé, votre regard un peu panoramique sur la façon dont les scientifiques, les chercheurs, mais aussi les médecins, avec parfois peut-être une petite confusion d'ailleurs entre ce que font le rôle des chercheurs et le rôle des médecins, comment est-ce que tout ça d'un seul coup est monté en force et en puissance sur le traitement de l'actualité à partir de fin février, début mars ? Alors concrètement, pour l'instant, on en est au stade où on analyse dans ce qui est médiatisation du coronavirus, les grandes masses, les grandes tendances. Et donc effectivement, les questions médicales et de recherche ont eu un gros pic de médiatisation, en gros la deuxième quinzaine de mars. C'est vraiment à ce moment-là qu'on ne parle quasiment plus que des questions médicales lorsqu'on parle de médiatisation du coronavirus. Dans les sujets sur lesquels on travaille actuellement, il y a ce qui vient d'être évoqué, à savoir... Est-ce que, pour faire schématiquement, la part des experts, des sachants, donc ça veut dire de chercheurs, de médecins, dans les invités, notamment des chaînes d'information en continu, a pris une place plus importante que d'habitude? Ou est-ce que finalement, les experts qui sont experts en tout, en rien, qu'on voit intervenir tout au long de l'année, ont toujours autant la parole qu'en période classique? Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train d'essayer de mesurer maintenant. C'est pas extrêmement simple à faire et je pense qu'on sortira des chiffres là-dessus plus tard, c'est-à-dire quand la vague sera passée, quand on aura eu le temps de se pencher dessus et qu'on sera à peu près sûr de nos chiffres. Et effectivement, alors j'allais dire, on va encore reparler de lui, mais de manière symptomatique, le cas de Didier Raoult illustre assez bien les travers qu'il peut y avoir dans le fonctionnement de la médiatisation avec le triptyque de l'expert médiatique, des chaînes d'information continue et de la nécessité d'alimenter avec, quoi qu'on en dise derrière, toujours les questions d'audience qui restent importantes, et en plus le politique. Donc vous avez ce triptyque qui fait qu'on a un scénario détonnant et qu'on peut, pour l'instant, là encore, pas analyser finement, mais je pense qu'il y aura un travail de collègues en sociologie, information, communication, pour analyser la manière dont c'est structuré cette médiatisation et ce qu'on peut en tirer comme conclusion. On va revenir sur le cas particulier Didier Raoult, parce que ce que vous décrivez, c'est exactement l'intersection entre le médiatique, le politique, le scientifique, la figure comme ça un peu on appelle ça le bon client dans le jargon journalistique. On va y revenir plus précisément dans quelques instants. J'aimerais tout de même, parce que il y a quelque chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu juste une sorte d'invasion ou de nécessité de décrire la science en train de se faire. On décrivait par ailleurs une science particulière, c'est-à-dire une science de crise face à une crise sanitaire inconnue jusqu'alors. Par exemple, Olivier Aymon, comment est-ce que la rédaction de France Info s'est organisée pour se retrouver d'un seul coup avec cette matière scientifique dont on sait que c'est une matière difficile à traiter, difficile à lire, beaucoup d'études, des études qui ne sont pas publiées, donc pas validées par des grandes revues que peuvent être Nature ou Science, des préprints, tout ça est très bouleversé. Et quand on n'a pas forcément une équipe scientifique solide, hein, comme on peut avoir une équipe économique ou politique, un service très construit, comment est-ce que vous palliez cela? Oui, on n'est pas un média spécialisé. Voilà. Ouais. Ben, on s'appuie un peu comme dans les autres domaines sur un certain nombre de journalistes dans la rédaction qui s'y connaissent quand même un peu. On a à France Info une spécialiste du médical au sens large, qui peut aussi bien traiter du plan hôpital, et on va en reparler dans quelques jours, mais aussi des études, et donc qui s'est un peu frotté à ça. Évidemment que c'est pas la même matière et on y est moins confronté que l'actualité économique, l'actualité politique, etc. Mais on a quand même 2-3 personnes. On a une spécialiste. On va dire environnement science sur laquelle on peut aussi s'appuyer. Donc vous allez me dire, ça fait pas beaucoup, hein. On est je sais plus exactement, je crois que c'est 150 journalistes, ça en fait 2. Donc voilà, on s'appuie sur ça, on s'appuie sur les gens qui ont aussi un goût pour la science, des gens qui pas forcément au quotidien en parlent, mais sont intéressés par ça. Très modestement, je m'intéresse à ça aussi. Donc on a quand même 2-3 réflexes. Voilà, on part pas totalement nu face à ce type d'actualité. Et puis après, on bosse. Après, il y a que ça. Hein, je crois que malheureusement, on peut pas faire autre chose. Donc, mais comme dans beaucoup, j'allais dire comme dans d'autres domaines, la science est certes un peu à part, mais il y a plein de domaines. Je suis pas sûr que tous les journalistes sachent lire un bilan d'entreprise. Et pourtant, tous les jours, on parle d'économie, des résultats d'un grand groupe. Donc on bosse. On essaie d'avoir des personnes relais qui peuvent nous expliquer les choses aussi. On passe aussi des coups de fil. Alors, je distinguerai deux choses, hein, dans les chaînes d'information continue. Il y a y a le travail, j'allais dire, à chaud, qui est de proposer à des gens de venir parler à l'antenne. Et ça, oui, parfois, on est obligé d'aller vite et on n'a pas beaucoup de discussions avec les personnes qu'on souhaite avoir en direct. Et puis, il y a quand même un travail de fond. Il y a quand même des journalistes qui travaillent, qui prennent le temps de travailler sur les sujets. Et donc là, qui ont un peu plus de temps pour avoir des contacts avec, en l'occurrence, des chercheurs, des médecins. Bon, voilà, pour être un peu plus au fait des choses. Mmh. Anne Goffard, par ailleurs, la matière même de ce virus nouveau qu'on découvre, une science qui est en train de se faire et qu'il faut commenter en train de se faire, c'est un exercice périlleux auquel on est rarement confronté dans une carrière scientifique. Comment vous vous êtes positionné par rapport à ça, encore une fois, par rapport à tout ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire des préprints, des études qui arrivent, qui sont retirées, des communiqués de presse qui anticipent les publications. On est face à une matière qui parfois est très friable. C'est une matière qui est très mouvante, effectivement. Alors, à la fois, c'est passionnant pour la virologue et le médecin que je suis, parce que vivre une pandémie en direct, c'est quand même, voilà, c'est exceptionnel dans une carrière. Et en même temps, c'est très, très délicat. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, effectivement, il y avait des articles scientifiques qui étaient publiés sur des sites de préprint, hein, c'est-à-dire que ça veut dire qu'ils n'avaient pas été reviewés, ils n'avaient pas été relus par des experts de la discipline qui émettent des doutes, qui posent des questions aux auteurs pour modifier, améliorer l'article. Donc il y avait des publications sur ces sites-là, donc c'est des publications qui ne sont pas encore validées par la communauté des pairs de la discipline. Et donc, quand j'étais interrogée sur ces articles-là, je me permettais toujours de rappeler aux journalistes en disant « attention, l'évaluation par les pairs n'est pas terminée ou n'a pas encore eu lieu, c'est des résultats à prendre avec beaucoup de précautions et il faut faire attention ». Toute la difficulté est là, c'est que effectivement le temps médiatique et le temps du chercheur, quelle que soit la discipline, ne sont pas les mêmes. Nous avons besoin, une fois qu'on a généré nos résultats, de les contrôler, de les vérifier et de les consolider. Et ce temps-là, c'est un temps long qui malheureusement n'est pas compatible avec l'évolution d'une pandémie. Donc là, par exemple, il y a des gens qui me disent « mais comment ça se fait? Vous cherchez depuis des mois un médicament, vous n'en avez toujours pas ?» Non, on n'en a toujours pas et ça va prendre du temps. Et voilà, il faut accepter que le temps scientifique soit un temps long. Mmh. Et ça donne évidemment quelques écueils sur lesquels on va revenir dans un instant, hein, la tentation de l'étude qui change tout, d'une étude qui d'un seul coup serait disruptive et changerait l'équilibre de l'ensemble de la connaissance, ou de la tentation du remède miracle, avec parfois évidemment des prophètes qui ont beaucoup fait parler d'eux. On nous cache tout, on nous dit rien. Plus on ne sait rien. On nous informe vraiment sur rien. Adam avait-il un nombril? On nous cache tout, on nous dit rien. Socrate a-t-il vu sa ciguë? L'aventure est-elle au coin de la rue? On nous cache tout, on nous dit rien. La vérité sur Dagobert, quel était son manager? On ne sait rien. On nous informe vraiment sur rien. La vérité sur la palisse, quand c'est rugueux, c'est pas lisse. On nous cache tout, on nous dit rien. Et l'affaire du masque de fer, est-ce que Louis XIV était son frère? On nous cache tout, on nous dit rien. La vérité sur l'obélisque, a-t-il été déclaré au fisc? Jacques Dutronc à 16h35 sur France Culture. On nous cache tout, on nous dit rien, mais nous on essaie de tout vous dire sur le traitement scientifique de cette épidémie, scientifique et médiatique, pardon, de cette épidémie de Covid. On en parle avec Anne Goffard qui est médecin virologue au CHU de Lille, avec Nicolas Hervé qui est chercheur en informatique à l'INA et avec Olivier Aymon, rédacteur en chef chez France Info. Alors, il y a évidemment eu quelques voix détonantes et des voix scientifiques détonantes depuis le début de cette épidémie qui ont beaucoup clivé, qui ont pris beaucoup de place. Il y a évidemment celle de Didier Raoult, mais pas uniquement. C'est ce qu'on appelle le problème du biais d'autorité, demander à des spécialistes d'un domaine de s'exprimer sur un autre. Et dans le pire des cas, eh bien, ça donne ça. Alors, c'est-à-dire nous sommes arrivés à la conclusion qu'effectivement, il y avait eu une manipulation au sujet de ce virus. Une partie, je ne dis pas le total, n'est-ce pas, mais il y a un modèle qui est évidemment le virus classique, et là c'était un modèle surtout venant de la chauve-souris, mais à ce modèle, on a par-dessus ajouté des séquences notamment du VIH, le virus du sida. Mais quand vous dites « on a ajouté », qui a ajouté ? Ah, moi, je ne sais pas. Mais ce n'est pas naturel, c'est ce que vous voulez dire ? Non, ce n'est pas naturel. C'était un travail de professionnel, un travail de biologiste moléculaire. C'est un travail très minutieux. Mais dans quel Alors, but ? Dans quel but, ça, ce n'est pas clair. Mon travail, c'est d'exposer les faits, c'est tout. Je n'accuse personne, je ne sais pas qui a fait ça et pourquoi. Et quels sont les moyens pour lutter, selon vous, contre cette contagiosité? Le confinement est la bonne solution? Si vous voulez, moi j'ai une solution un peu d'avant-garde, parce que je travaille là-dessus pour d'autres raisons, c'est que les ondes peuvent modifier les fréquences. Certaines fréquences d'ondes peuvent modifier la présence de ces séquences. Comme elles sont étrangères, peut-être on va pouvoir les distinguer du reste du coronavirus et les détruire d'une façon sélective. Là, c'est de la science-fiction pour l'instant. Qu'est-ce que vous appelez les ondes ? Les ondes, ce sont des ondes électromagnétiques, n'est-ce pas ? Pourquoi ne pas utiliser une partie de ces ondes pour détruire des séquences sélectivement d'ARN ou d'ADN ? Bon, c'est une possibilité, ce n'est pas une certitude, bien sûr. Voilà, Luc Montagnier, interviewé par Pascal Pro. Luc Montagnier, prix Nobel de physiologie de médecine pour la découverte du VIH, et qui a fait ressurgir il y a quelques semaines l'idée que le coronavirus pourrait être manufacturé avec des séquences de VIH à l'intérieur, ce qui a été évidemment dénoncé et écarté par l'écrasante majorité de la communauté scientifique. Mais néanmoins, ces paroles-là sont des paroles qui font du mal au débat public, qui font du mal à la vulgarisation scientifique. Qu'est-ce qu'on fait quand on a des paroles très fortes comme ça, et qui prennent de la place dans le débat médiatique, Olivier Aymon? Parfois, on se désole un peu. Parfois, on se désole un peu de notre profession aussi. C'est un autre champ du débat, mais je crois que ça en fait partie. Et malheureusement, on ne peut pas s'en extraire. On a tous, quand on fait ce métier, et qu'on le fait depuis quelques années, et c'est pour ça que l'expérience, parfois, ça joue, un petit feu rouge qui peut s'allumer de temps en temps. Et dans la science comme dans les autres domaines, on voit de temps en temps des gens qui parlent d'un domaine qu'ils ne maîtrisent pas totalement. Et donc ça allume quelque chose, voilà. Le professeur Montagnier, je crois qu'on le connaît, c'est pas la première fois qu'il y a des propos qui sont un peu originaux, on va dire, pour pas dire autre chose. Donc forcément, quand on le voit, et je pense franchement que sur France Info, on n'a même pas pensé à un moment se dire qu'est-ce qu'on peut faire de cette parole. Voilà. Après, il y a, et c'est la responsabilité, chacun fait ce qu'il veut sur sa chaîne, mais c'est la responsabilité éditoriale des patrons de chaîne de se dire, globalement, est-ce que je passe ça, et on va pas se cacher derrière son petit doigt, parce qu'on sait que ça va faire du buzz, comme on dit, qu'on sait que ça va faire de l'audience et du bruit, voilà. Ou est-ce que j'essaie d'être peut-être un peu plus ennuyeux, on va dire, mais j'essaie de passer des choses qui sont vérifiées, qui sont sans doute moins grandiloquentes, hein, forcément, mais ça a été la situation avec Didier Raoult aussi. Voilà, alors là c'est différent parce globalement on le connaît pas, voilà. Quand il arrive, on voit, et tous on se dit, quand on voit sa première vidéo, on se dit tiens, c'est étonnant quand même, voilà, là on se dit il y a peut-être quelque chose, et en même temps le prophète qui sort comme ça, je crois qu'on est sur une chaîne laïque, donc les prophètes, on y fait un peu attention, on essaie de, si on se dit qu'on peut en parler, en tout cas on contextualise, on dit voilà, c'est une voix, et on va pas se ruer dessus en se disant ça va nous faire un bon truc, quoi. Tout le monde va en parler, quoi. Après, encore une fois, c'est la responsabilité de chaque chaîne, mais Mais il y a du bon et du mauvais partout. Alors, il y a certainement évidemment deux poids, deux mesures entre Luc Montagnier et ses théories complotistes sur le VIH et Didier Raoult, qui est un scientifique, alors dont on peut critiquer le travail, mais qui n'est pas du tout dans des idées conspirationnistes. Peut-être un mot tout de même, Nicolas Hervé, on va parler de Didier Raoult. Effectivement, Didier Raoult, à un moment donné, pour des raisons que je vous propose d'ailleurs éventuellement d'analyser, tout le monde s'engouffre autour de ce professeur de médecine, de sa solution. Hein. Lui-même parle de remède miracle, dit fin de partie, personnage médiatique, avec des études qui, quand on les regarde, sont effectivement assez problématiques sur la méthodologie scientifique, mais néanmoins, eh bien, ça franchit toutes les barrières et ça polarise complètement le débat. Que s'est-il passé? Comment, quelles leçons finalement tirer de cette surexposition médiatique qu'a pu obtenir Didier Raoult et ses équipes? Les leçons, je ne sais pas si on en est déjà au stade des leçons. En tout cas, il y a une chose qui est à peu près claire, c'est que, comme dans plein d'autres domaines, je pense que Didier Raoult a très bien compris les mécanismes de fonctionnement des médias. Et alors, globalement, vous parlez de la vidéo fin de partie. Donc ça, c'est fin février, et ça provoque juste un tout petit pic médiatique, et ça retombe tout de suite après. C'est pas vraiment ça qui a entraîné sa présence massive dans les médias. C'est plutôt lorsqu'il y a sa première étude qui sort, où là, on commence à voir effectivement des sollicitations médiatiques, et derrière, l'emballement médiatique, avec notamment Donald Trump, et la question des traitements à la chloroquine que lui propose à Marseille contre le milieu parisien, etc. Sur ce cas-là, je vous disais tout à l'heure qu'on regardait globalement les grandes masses de médiatisation, Raoult chloroquine, c'est quelque chose qu'on a regardé un peu plus en détail. Et là, effectivement, ce que je peux vous dire, c'est qu'on constate très clairement une différence notable entre BFM, CNews, LCI, en termes d'ampleur de médiatisation, et de l'autre côté, France Info, France 24. C'est-à-dire on a vraiment une différence entre les chaînes publiques et les chaînes privées sur ce traitement médiatique. Et que ce soit en termes d'ampleur comme en termes de temporalité, il y a des choses dont certaines chaînes vont parler et pas d'autres. Le pic médiatique, je tiens quand même à insister là-dessus autour de Didier Raoult, c'est la sortie de sa troisième étude, mais c'est aussi le moment où Emmanuel Macron se rend à Marseille. Et donc ce moment-là, lorsque le politique vient à un moment donné accréditer donner son poids aux scientifiques qui, à ce moment-là, est déjà quand même un peu controversé dans la communauté scientifique. Il en a sa deuxième étude et il y a déjà des critiques scientifiques qui commencent à apparaître. C'est vraiment le moment où il y a un pic médiatique. Et enfin, on a vu ça la semaine dernière, il y a plusieurs études internationales qui sont sorties qui parlent clairement de l'inefficacité de l'hydroxychloroquine, et ça, je pense que la virologue pourra nous en parler. Et ça, pour le coup, globalement, on n'en parle pas. Et pourtant, c'est très peu. Il y a une seule chaîne, et c'est France 24, qui, globalement, accorde plus d'importance à ce fait-là qu'aux autres faits autour de Didier Raoult sur toute la période. Et c'est peut-être pas anodin, parce que c'est des études internationales, je sais pas, ce sera intéressant d'en parler avec eux, mais en dehors de France 24, globalement, cette question-là est très peu traitée. Et de France Culture, c'est parce que ça fait pas partie de votre panel, mais on en a parlé de la radiographie du coronavirus. France Culture n'est pas sur le panel, effectivement. J'ai pris les six chaînes d'infos continue. Anne Goffard, un mot là-dessus. Quand vous voyez arriver Didier Raoult en tant que virologue, vous avez accès aux études. Alors, d'une part, j'imagine que vous êtes sollicité pour commenter ces études. Et d'autre part, est-ce que vous comprenez pourquoi, à un moment donné, il y a une sorte d'emballement médiatique qui se crée autour de ce personnage et des résultats qu'il présente? Alors, déjà, l'équipe de Didier Raoult, en tant que virologue, je la connais un petit peu parce qu'elle a une réputation. C'est une équipe qui a énormément de moyens, qui a des pouvoirs. Enfin voilà, c'est un homme de pouvoir, Monsieur Raoult. Donc voilà. Et puis effectivement, assez rapidement, je lis les études et très vite, je suis convaincue que ces études n'ont pas été réalisées dans les règles de l'art. Et je trouve ça très choquant au niveau de mes valeurs. de mes valeurs, c'est-à-dire que la communauté médicale s'est munie de règlements pour faire des essais cliniques, pour faire de l'expérimentation chez l'humain, puisque c'est ça un essai clinique, on expérimente des médicaments chez les humains. Il y a des règles pour faire ça, il y a des règles qui sont nationales mais qui sont aussi européennes et qui sont internationales, ce sont les mêmes, hein, on a les mêmes règles dans tous les pays. Et cette étude va à l'encontre de toutes ces règles-là. Et sans aucun problème, on nous parle de d'une façon de faire qui est choquante, qui est grave pour la déontologie médicale. Et en plus, quand derrière le président de la République va rendre visite à cette équipe, personnellement, je suis très choquée parce que je me dis, mais alors, tous les médecins qui travaillent correctement, qui prennent le temps de monter leurs essais cliniques, de récupérer toutes les autorisations, de faire les différentes étapes, etc., ben ceux-là, finalement, leur travail est bafoué, on n'en tient pas compte, et on va mettre en valeur des gens qui ne respectent pas les règles. Et du coup, ben, c'est la première fois que je m'exprime sur ce sujet-là, sur votre antenne, mais j'ai refusé d'intervenir sur ces questions-là, parce que j'ai trouvé que c'était choquant de devoir répondre sur une étude et des études qui n'auraient jamais dû être publiées et voilà, surtout que en plus maintenant on sait que l'hydrochloroquine n'a pas d'effet sur ce coronavirus, mine de rien. On a un faisceau de preuves qui va dans le sens 2. On va pas être plus royaliste, on n'a pas de preuves évidemment d'une efficacité significative. Globalement, ça marche pas. Si ça marchait, on le saurait depuis longtemps. Et c'est hyper toxique comme traitement. Et malheureusement, il y a des gens qui sont décédés. Et puis, mine de rien, ça a plombé l'essai clinique national et européen Discovery. Donc, ça a en partie plombé cet essai clinique. Donc, voilà. Moi, j'ai refusé d'intervenir. Jusqu'à aujourd'hui, j'avais refusé d'intervenir sur cette question-là parce que je trouve que les règles de notre communauté n'ont pas été respectées. Mais il n'y aurait pas, Anne Goffard, justement, un travail de déconstruction important à faire aussi, réexpliquer aux journalistes qui vous sollicitent les raisons pour lesquelles il y a un problème méthodologique important et qu'on ne peut pas tenir ce discours-là à partir des résultats qui ont été produits dans les circonstances que l'on connaît. Oui, je suis d'accord avec vous. Ce qu'il y a, c'est que, notamment sur les réseaux sociaux, parce que je suis aussi sur Twitter, l'ensemble des médecins, enfin, une très très grande partie des médecins et des scientifiques, des pharmaciens aussi, des chimistes, spécialisés dans les médicaments, ont relevé le fait que l'étude n'avait pas été faite dans les règles de l'art, que la publication a été sortie dans une revue qui était tenue par les membres de l'équipe de Didier Raoult. Enfin voilà, il y avait plein de biais méthodologiques énormes dans cette affaire. Et donc, moi j'ai eu beau expliquer aux journalistes que expliquer ces biais-là, les journalistes me disaient « Bah oui, mais quand même, on aimerait que vous réagissiez. » Du coup, je refusais de réagir parce que il y a trop de biais et je ne veux pas rentrer dans l'affaire, dans la polémique, en fait. Olivier Aymon, comment on fait, en fait? Parce qu'évidemment, il y a des problèmes, ces problèmes méthodologiques. Lire une étude, c'est pas simple. Quand on n'a pas l'habitude, c'est difficile, c'est compliqué. Lire une étude, la comprendre et en plus en trouver les biais, c'est vrai, quand on n'a pas de formation scientifique, c'est une mission quasi impossible. Donc, qu'est-ce qu'on fait, d'une part, pour éviter de tomber dans le panneau, et d'autre part, pour continuer à traiter cette information sans entretenir, finalement, ce doute scientifique qui a été levé par l'écrasante majorité de la communauté scientifique? Alors, après, on est très modeste. On peut se planter. C'est-à-dire qu'on peut, on peut tomber dans le panneau. Voilà, faut le dire, ça peut arriver. Et après, on fait tout pour ne pas tomber dans les panneaux. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. On essaie de s'appuyer sur les personnes ressources dont on dispose, que ça soit les journalistes de la rédaction, que ça soit leurs contacts. C'est comme une enquête, finalement. On regarde ce que vous disiez, madame, on regarde les réseaux sociaux. Quand on voit quand même que globalement, les scientifiques, les médecins, les virologues, dont on suit les comptes sur Twitter, sont à peu près tous en train de dire, et très rapidement d'ailleurs, au moment où l'étude sort, dans les heures, à mon avis, dans les heures qui suivent la sortie de l'étude, on voit déjà un certain nombre de spécialistes qui disent, oula, attention, il y a un truc pas clair, voilà. Et puis au fur et à mesure des heures et des jours, on voit bien que cette communauté-là grossit. Et bah, à un moment, il y a quand même une évidence, quoi. Si on voit que 95% de ceux qui, dont c'est le travail, disent tous, il y a un truc qui va pas. On a plutôt tendance à croire ça que la personne toute seule. Voilà. Après, encore une fois, on peut se tromper et la temporalité joue parfois contre nous. Hein, ça c'est clair. Mais on essaie de faire attention. Et c'est vrai qu'il y a eu, pardon, deux secondes, mais il y a eu ce moment. Qui est un vrai moment de bascule, c'est cette visite d'Emmanuel Macron, qui évidemment nous interpelle tous, parce qu'on est déjà dans un moment où on a dit que cette étude de Didier Raoult est loin d'être faite dans les règles de l'art, qu'il y a quand même beaucoup de questions qui se posent autour, et le président de la République va lui rendre visite. On se demande quand même ce qui se passe. Mais à ce moment-là, ça devient presque un fait politique. Donc pour nous, ce qui nous intéresse presque plus, c'est pas à ce moment-là, c'est plus est-ce que Didier Raoult a raison ou pas. Je crois qu'on a dit quand même globalement que attention, voilà. Attention, et il y a beaucoup de réserves autour de cette étude. Mais ce qui nous intéresse, c'est que va faire le président. Voilà, quel est ce moment politique et qu'est-ce que ça veut dire. Et ça, je pense que c'est aussi important de le décrypter pour les auditeurs. Mais Nicolas Hervé, pour rester sur ce sujet-là, Didier Raoult continue à être interviewé ou à répondre à des entretiens à certains canaux d'ailleurs, pas à d'autres. Pas plus tard qu'hier, j'ai vu une interview de lui disant que il y avait 5 fois moins de morts à Marseille qu'à Paris. C'était donc la preuve que son traitement fonctionnait. On arrive à des biais tellement épais qu'on ne sait plus par où les prendre. Mais la question qui se pose surtout, c'est que on le disait tout à l'heure, il y a des services économiques, des services politiques. Quand on interview un ministre de l'économie, on a le chef du service économique. Quand on interview un politique, on a le chef du service politique. Et quand on interview un scientifique, on envoie au CASPIP des journalistes d'information généralistes qui se font mener par le bout du nez. Est-ce qu'il n'y a pas un problème là ? J'ai vu pas mal de journalistes scientifiques pigistes sur Twitter ces derniers mois dire qu'il était temps que les médias embauchent des journalistes scientifiques à titre permanent. Ce sera peut-être une des conséquences de cette pandémie. On dit que tous les sujets de la société sont actuellement fortement impactés et qu'il restera forcément quelque chose de nos modes de vie, de nos modes de travail. Il faut pas exclure qu'effectivement dans les médias, on se penche peut-être un peu différemment sur l'actualité scientifique dans les mois et les années qui suivent cette pandémie. Juste revenir sur un point quand même sur Emmanuel Macron et la médiatisation de Didier Raoult. Moi, ce que j'observe globalement, c'est que la visite d'Emmanuel Macron à Marseille vient plutôt clore la période de très forte médiatisation et que donc c'est plutôt la forte médiatisation qui aurait pu éventuellement inciter le président à se rendre à Marseille et que suite à cette visite, globalement, l'ampleur de la médiatisation, en tout cas pour ce qui est canaux d'information en continu, AFP, et je vois même les réactions sur Twitter, sont beaucoup plus faibles. Donc il y a effectivement des interviews à droite à gauche. On a vu effectivement des médias se plaindre de refus de répondre à des interviews, mais globalement la question des politiques qui regardent les médias pour interagir, et je crois que les questions de, il commence à y avoir pas mal de polémiques entre quel est le rôle du politique, quel est le rôle du scientifique quand il y a une urgence et des périodes comme ça où on doit prendre des décisions alors qu'on n'a pas une information parfaite et complète sur la situation, peuvent en partie expliquer cela. Pour conclure, on arrive dans les dernières minutes de cette émission, un mot sur l'après, justement. Qu'est-ce qu'on peut retenir, Olivier Aymon, même si on est encore évidemment dedans et que ça n'est pas terminé, quelles sont les premières leçons qu'on peut tirer, qu'est-ce qui doit changer, plus de journalistes scientifiques, plus de référents, plus de vigilance, plus de formation dès les écoles de journalisme à la science, pourquoi pas, dans la formation des journalistes d'information générale. Quelles seraient les pistes intéressantes selon vous ? Vous avez fait à peu près le tour. ça pose la question de la place de la science dans la société globalement, et donc ça commence dès l'éducation nationale. Peut-être porter un peu plus, un certain nombre d'envies scientifiques chez les plus jeunes. Oui, il y a une vraie question sur la formation des écoles de journalisme, mais elle dépasse le cas de la science. Il y a une espèce de filière un peu commune et de clonage. à travers les écoles, parce que ça passe, alors j'ai pas la solution, mais parce que tout le monde passe par un concours, parce que globalement quand on passe un concours, il vaut mieux avoir fait Sciences Po, pour pas citer, voilà, en tout cas une formation généraliste que d'avoir un DEA en mathématiques appliquées. Et que là, oui, il y a la responsabilité des écoles de journalisme de se dire, il faut qu'on s'ouvre aussi. Je crois que la réflexion, elle existe, hein, de se dire plus généralement, il faut qu'on s'ouvre à d'autres profils. Ça se pose pas que pour la science. Et puis après, dans les rédactions, oui, renforcer dans les rédactions, avoir évidemment un véritable service scientifique qui soit pas que santé ou environnement, qui soit un peu plus solide avec. Évidemment, mais les rédactions, elles sont mouvantes. Je parlais des attentats tout à l'heure. Au moment des attentats, on n'a pas de spécialiste du djihadisme. Et après les attentats, on se dit, ça serait peut-être bien qu'il y ait quelqu'un qui soit dédié à ça. Voilà. Et il se trouve qu'à France Info, on a dégagé du temps à quelqu'un pour se mettre vraiment là-dessus. Je pense qu'on est en train de vivre, évidemment je ne compare pas les choses, mais on est en train de vivre un moment de réflexion autour de la place de la science sur nos antennes, et donc des moyens qu'on lui donne. Ça, évidemment. Oui, oui. Anne Goffard, du côté des chercheurs, des scientifiques, peut-être aussi un peu, je sais pas, des formations, un peu de training ou quelque chose qui permette de mieux comprendre, en fait, de mieux justement aider à faire se superposer ce temps médiatique, cette besoin de réponse immédiate dans des formats très courts, avec des chercheurs qui ont plus tendance à vouloir plus de place pour expliquer des phénomènes complexes. Oui, alors moi ce que j'ai surtout remarqué, en plus de la relation avec les journalistes et les médias, c'est que pour la première fois, on a eu nos institutions, que ce soit l'université, le CNRS ou pour moi le CHU de Lille par exemple, qui sont venus vers nous en nous disant « on va vous aider, on va vous accompagner dans la médiation scientifique ». Et donc, nous ne sommes pas des spécialistes de la communication scientifique notamment, enfin de la médiatisation scientifique plus exactement, eh ben c'était agréable d'avoir des gens pour nous aider parce que ça prend du temps, ça demande une expertise. Or ça, un chercheur, il doit aussi consacrer du temps à ses recherches, hein, principalement. Et donc prendre ce temps pour la médiation scientifique, c'est difficile, c'est ce qu'on nous demande, c'est ce qu'on essaye de faire, mais pouvoir le faire avec des gens qui sont spécialisés là-dedans, ben c'est super intéressant parce que ça nous permet d'aller plus vite et de le faire mieux. Donc ça, c'est vrai que je pense que cette pandémie devrait nous aider à avancer dans ce sens-là. Parce que je pense qu'effectivement, le niveau scientifique de la population française en général, que ce soit des scolaires, des adultes, des jeunes, des vieux, faut vraiment qu'on l'améliore en continu pour donner le moins d'emprise aux fake news, quelles qu'elles soient, quoi. Un mot de conclusion également. On peut dire, alors si, parmi les points positifs, on peut dire qu'on a entendu beaucoup de voix féminines, de femmes scientifiques à l'antenne. Que ça a été l'occasion d'entendre d'un effort de parité qui a été, à mon avis, jusqu'à présent, assez rare dans le secteur. Vous confirmez, Anne Goffard? Alors, je vous le confirme, on a vu pour la première fois des femmes chefs de service dans des hôpitaux, dans des CHU, qui sont venues prendre la parole, qui ont montré qu'elles sont chefs de service, elles prennent des responsabilités, elles ont une parole fiable, des femmes chercheurs qui ont été mises en avant pour leur expertise. Et ça, je trouve que c'est très, très intéressant, très important. C'est important pour nous, femmes chercheurs ou médecins, parce que ça nous met en valeur et ça nous légitimise, mais aussi pour les plus jeunes, leur montrer que oui, vous êtes des filles, des jeunes filles, vous pouvez le faire et vous pouvez être fiers de vous et avoir des responsabilités et des métiers intéressants. Nicolas Hervé, un mot de conclusion, pardon, je vous coupe Anne Goffard, on arrive à la fin. Nicolas Hervé, juste un mot de conclusion justement de ce qu'il faut retenir pour l'après. Ah ben je pense que les problèmes qui étaient connus avant ne se trouvent qu'amplifiés par ce type de période de crise, et que les solutions, elles sont connues, elles étaient connues avant, et j'espère que effectivement cette période de crise permettra d'accélérer les prises de conscience et les transformations dans la manière dont les médias peuvent fonctionner. Merci beaucoup. Merci à tous les trois d'être venus nous parler de ce traitement médiatique de l'épidémie de Covid. Merci Anne Goffard, Nicolas Hervé. Merci à Olivier Aymon. Merci à toute la chouette équipe de la méthode scientifique. Yves Etienne, Céline Lozen, Noémie Naguette-Saint-Vulfran, Natacha Triou, Alexandra Delbault, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard à la réalisation et Jean-Frédéric à la technique. Demain, ce sera un vendredi fiction. Que se passe-t-il quand la réalité ultra-technologique déraille et nous fait perdre notre humanité? C'est la question qui préside à l'ambitieuse anthologie télévisuelle de science-fiction Black Mirror, que nous irons scruter demain avec les coins obscurs de l'âme humaine. Avant cela, on se retrouvera à 8h55 pour la prochaine radiographie du coronavirus, jusqu'à preuve du contraire.